Aujourd'hui, ça y est, j'ai enfin fini de rêvasser à la gloire, à la fortune. Car derrière cela se cache le faux espoir, l'amertume, l'insatisfaction, la course vers toujours plus de pifton. Pendant des années, j'ai pensé pouvoir combler mon temps avec de mauvaises occupations, la destruction. Voilà qu'elle était inconsciemment ma direction. Enfin fini de me dire qu'on est jeune, qu'il faut se déchirer, en profiter, tiner, fumer, faire n'importe quoi. Après tout, on vit qu'une fois, mais non, se calme pas. Car c'est ce que tu fais là qui engendrera plus tard ce que tu vivras. Avant trop de dégâts, aspirer dans les bouteilles sales, le tête là dans les caves, parfois jusqu'à en tomber ou s'en rendre malade. Combien de sensations bad, les heures passées à scotcher sont difficilement calculables. Voix respiratoire agressée, cracher noir ne me choquait plus, mémoire endommagée, les soirées se ressemblent. En centre-ville ou dans les halls, on se rassemble tous comme téléguidés. Je suis triste de m'apercevoir maintenant que c'est la défense bien trop souvent qui nous motivait. Les matchs de foot au terrain, avec ou contre les grands, voilà de vrais bons moments, celles de jeunes se réunissant, jouant au ballon pendant des heures en délirant. De mes erreurs, aujourd'hui je ne suis plus fier, au contraire, mais d'elles je me sers pour faire passer mon message, dévoiler mon témoignage, en espérant qu'il vous touche et vous éclaire. De mes erreurs, aujourd'hui je ne suis plus fier, au contraire, mais d'elles je me sers pour faire passer mon message, dévoiler mon témoignage, en espérant qu'il vous touche et vous éclaire. Qu'il est dur de se démarquer dans ce monde courageux et celui qui fait ses choix et qui ne craint ce que les autres lui vont dire ou penser. Auparavant j'agis pour faire parler de moi, ne me demande pas de quoi il s'agit. Pour du vent je m'agite, enfermé dans mon monde je m'abrite. J'ai eu tort de penser que ceux qui ne me ressemblaient ne pouvaient m'apporter. Jeune, la monotonie dans mon âme s'est installée, jusqu'à me demander pourquoi vivre sans vrai but à atteindre. Nerveux, insolent et bien trop souvent en train de me plaindre. La haine m'a tourmenté, la peur angoissée, la vengeance torturée, c'est mon orgueil qui était touché quand je me faisais embrouiller, insulter ou voler. Aujourd'hui j'essaye de pardonner et préserver ainsi ma paix. J'ai nagé dans l'illusion du matérialisme et de la consommation. Je regrette sincèrement d'avoir été le moteur de nombreuses humiliations. La méchanceté a habité mon cœur bien trop tôt. J'ai perdu ma naïveté, mon innocence de marmot. Imiter des mauvais exemples fait le beau, rêvant au dernier survêt troco. De mes erreurs, aujourd'hui je ne suis plus fier, au contraire, mais d'elles je me sers pour faire passer mon message, dévoiler mon témoignage, en espérant qu'il vous touche et vous éclaire. De mes erreurs, aujourd'hui je ne suis plus fier, au contraire, mais d'elles je me sers pour faire passer mon message, dévoiler mon témoignage, en espérant qu'il vous touche et vous éclaire. Hier, aveuglé, sans la grâce de Dieu, j'aurai aujourd'hui les mêmes pensées, ces mêmes yeux tristes et défoncés, ce même mal-être qui me tenaillait. Mais l'espoir existe, pardonnez-moi si j'insiste, mais j'atteste avoir recherché le bonheur comme chaque être. Mais je ne l'ai trouvé, car il n'était pas dans la vodka, la fiesta, comme je le croyais, ni dans le dernier portable, vidéo, numérique, MP3. Mais c'est dans la Bible, la prière, que j'ai découvert la vie, la paix, la véritable joie, celle qui ne s'achète pas, accessible et faite pour tous, du plus pauvre à celui qui dans l'argent se noie. Maintenant j'essaie de ne plus juger, car on ne doit pas, car on ne sait pas ce qu'il se passe, ce qu'il y a dans l'histoire de nos frères et sœurs. Combien de fois je me suis trompé dans mes préjugés, combien de fois je me suis moqué, méprisé, jalousé, celui qui possède ce que je n'ai. J'ai refusé les reproches d'avoir tort, même face à mes proches. J'ai été injuste en faisant aux autres ce que je n'aimerais que l'on me fasse. Mais sache que de toutes ces fautes, aujourd'hui je ne te dis pas malheureusement que je ne les fais plus. On est tous pécheurs, mais Dieu sauve, aide et change ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient comme toi et moi, qui avançaient dans la vie sans foi ni loi, sans foi ni loi. De mes erreurs, aujourd'hui je ne suis plus fier, au contraire, mais d'elles je me sers pour faire passer mon message, dévoiler mon témoignage, en espérant qu'il vous touche et vous éclaire. De mes erreurs, aujourd'hui je ne suis plus fier, au contraire, mais d'elles je me sers pour faire passer mon message, dévoiler mon témoignage, en espérant qu'il vous touche et vous éclaire. Vous touche et vous éclaire. Mes erreurs, aujourd'hui je ne suis plus fier, au contraire, mais d'elles je me sers pour faire passer mon message, dévoiler mon témoignage, en espérant qu'il vous touche et vous éclaire. De mes erreurs, aujourd'hui je ne suis plus fier, au contraire, mais d'elles je me sers pour faire passer mon message, dévoiler mon témoignage, en espérant qu'il vous touche et vous éclaire.